connu le gars qui rencontrera la fille. J'ai bien connu la fille qui souriait au gars. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il lui a demandé du fil et des aiguilles pour accrocher un cœur à son manteau de drap. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et elle a donné le fil et les aiguilles, et puis son cœur de fille par-dessus le marché. C'est toujours la même histoire, j'ose à peine vous en parler. Moi j'ai fait semblant d'y croire, faites semblant de m'écouter. Alors j'ai vu la fille inventer des dimanches pour y danser l'amour au bras de son amant. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si l'amour était pur, si la vie était franche, ils auraient pu s'aimer du longtemps. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il a d'abord menti sans qu'elle veuille comprendre, mais elle a voulu prendre le jour qu'il est parti. C'est toujours la même histoire, j'ose à peine vous en parler. Moi j'ai fait semblant d'y croire, faites semblant de m'écouter. J'ai bien connu le gars qui a quitté la fille, j'ai bien connu la fille qui pleurait pour le gars. A pleuré longtemps et de fil en aiguille, ses larmes vieillissaient mais ne guérissaient pas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Son cœur avait pris froid, c'est plus grave qu'on ne suppose. Moi j'en sais quelque chose, la fille, c'était moi. Yeah.